pris sur le vif. Écoutez. Bonjour, monsieur. Je croyais que vous alliez à Lyon aujourd'hui. Oui, mais au dernier moment, je n'ai pas pu partir. Il y a une grève des trains. Ah, c'est vrai. Je n'y pensais plus. Répétez. Bonjour, monsieur. Je croyais que vous alliez à Lyon aujourd'hui. Oui, mais au dernier moment, je n'ai pas pu partir. Il y a une grève des trains. Ah, c'est vrai, je n'y pensais plus. Écoutez. Salut Michel, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air vachement content. Ah les gars, vous ne me croirez peut-être pas, mais je viens de gagner le gros lot à la loterie nationale. Ça alors? Quel vénard! Répétez. Salut Michel, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air vachement content. Ah les gars, vous ne me croirez peut-être pas, mais je viens de gagner le gros lot à la loterie nationale. Ça alors? Quel vénard! Écoutez. Croyez-vous que j'irai mieux bientôt? Oui, mais il faudra rester au lit pendant une semaine. Et après? Vous pourrez commencer à sortir un peu tous les jours. Répétez. Croyez-vous que j'irai mieux bientôt? Oui, mais il faudra rester au lit pendant une semaine. Et après? Vous pourrez commencer à sortir un peu tous les jours.